Le maître de danse de Ludovica Levi. J'avais dîné chez des amis et le soir, la maîtresse de la maison me dit « Vous allez souvent à l'opéra ?»« Très souvent. » « Et sur le théâtre ?»« Oui, sur le théâtre. » « Alors vous pourriez me rendre un service. Il y a dans le personnel du ballet un très brave homme nommé Morin, parfaitement convenable à ce qu'il paraît. C'est le professeur de danse à des petites de baie. Il donne d'excellentes leçons. Je le prendrai volontiers pour mes fillettes. Demandez-lui donc s'il pourrait venir 2 fois par semaine. » Je me chargeais très volontiers de cette mission délicate. Le lendemain, 17 février 1881, vers 10 heures du soir, j'arrivais à l'opéra et je m'en allais sur le théâtre à la découverte de M. Morin. On jouait le prophète. Le 3e acte venait de commencer. En scène, les anabaptistes chantaient avec fureur « Du sang, que Judas succombe, du sang, dansons sur leur tombe, du sang, voilà l'hécatombe, que Dieu nous demande encore. » Les haches étaient élevées sur les têtes d'un tas de malheureux prisonniers, barons, évêques, moines et grandes dames. Dans les coulisses, toutes ces demoiselles du corps de ballet attendaient, en équilibre sur leurs patins, le moment d'effleurer la glace sans laisser de traces. Je priai respectueusement une de ces jeunes westphaliennes de me mettre en rapport avec le nommé Morin. « Morin, me répondit-elle, il n'est pas dans les patineurs. Tenez, il est en scène. C'est lui là-bas qui fait l'évêque. Vous voyez cet évêque qu'on bouscule et qu'on tiraille. Attendez, il va sortir tout de suite. » Un des anabaptistes en chef intervint en effet, déclara qu'il fallait épargner ses nobles et ses prêtres qui pouvaient payer rançon. Morin avait la vie sauve et j'eus l'honneur de lui être présenté par la petite westphalienne. Il avait un air tout à fait vénérable, une longue barbe grise et un bel habit violet avec une grande croix pastorale. Pendant qu'il remettait un peu d'ordre dans son costume fortement houspillé par ses énergumènes d'anabaptiste, je lui demandai s'il consentirait à donner des leçons à 2 jeunes filles du meilleur monde. Le pieux évêque accepta avec enthousiasme. Son prix était 10 francs l'heure. Les petites patineuses étaient entrées en scène et se livraient à d'extravagantes glissades. Les coulisses étaient devenues subitement calmes et silencieuses. Nous nous abandonnâmes tous les deux, monseigneur et moi, à une petite conversation familière. « Oui, monsieur, me dit sa grandeur, je donne des leçons de danse. J'ai une fort belle clientèle dans l'aristocratie et dans la haute finance. Je n'ai pas à me plaindre. Et cependant, il faut bien le reconnaître. Cela allait bien mieux autrefois, bien mieux. La danse s'en va, monsieur, la danse s'en va. Y a-t-il possible ? C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. » Les femmes apprennent encore à danser, mais les jeunes gens, plus du tout, monsieur, plus du tout. Le baccarat, les courses, les petits théâtres, voilà leur grande affaire. C'est un peu la faute du gouvernement. Comment cela? Monsieur Jules Ferry a refait dernièrement les programmes de l'université. Il a rendu certaines choses obligatoires. Les langues vivantes, par exemple. Je n'en blâme pas, l'étude des langues vivantes a de grands avantages. « Mais la danse, monsieur, on n'a rien fait pour la danse. Et c'est la danse qu'il fallait avant tout rendre obligatoire. Il devrait y avoir un professeur de danse dans chaque lycée, une école normale de la danse, des examens et des concours de danse. On devrait composer en danse comme on compose en thème latin et en version grecque. La danse aussi est une langue, et une langue que tout homme bien élevé devrait savoir parler. Eh bien, savez-vous ce qui arrive aujourd'hui ? Il arrive, monsieur, qu'on donne dans la diplomatie des postes à des gens qui s'embrouillent dans les figures d'un quadrille et qui sont incapables de soutenir un tour de valse pendant 2 minutes. Ils sentent bien que leur éducation est incomplète. Ces jours derniers, un jeune homme est venu me trouver, un garçon de grand mérite à ce qu'il paraît, en dehors de la danse. Il venait d'être attaché à une grande ambassade. Il n'avait jamais dansé de sa vie. Jamais, entendez-vous? Jamais. C'est à ne pas croire, et c'est comme ça. Ce pauvre garçon ne savait pas ce qu'était un quadrille. Voilà les choix de M. Barthélemy Saint-Hilaire. Oh, cette barbe m'étouffe. Vous permettez? Comment donc? Il ôta sa barbe grise. Il avait l'air beaucoup moins vénérable. Et il continua. J'ai dit à ce jeune homme, nous allons essayer, mais ce sera dur. On ne commence pas la danse à 28 ans. Je l'ai débourré, dégrossi, tant bien que mal. Je n'ai eu pour cela que 2 semaines. Je le suppliais de retarder son départ, d'obtenir un sursis de 3 ou 4 mois. J'en aurais fait quelque chose. Il n'a pas voulu. Il est parti sans rien savoir. Je pense à lui souvent. Il va nous représenter là-bas. Il nous représentera bien mal. Il ne fera pas honneur à son pays. Remarquez, je vous prie, qu'il peut être appelé à figurer dans quelques quadrilles de gala, à danser par exemple avec une archiduchesse. Eh bien, s'il se fiche dedans avec son archiduchesse, ce sera du propre. Tout cela est affligeant. Je suis républicain, monsieur, républicain de vieille date, et il est douloureux de penser que la République est représentée par des diplomates ne sachant pas distinguer un changement de pied d'un battement de jambe. Savez-vous ce que l'on dit dans les cours étrangères ? Mais qu'est-ce que donc que ces sauvages que la France nous envoie ? Oui, voilà ce que l'on se dit. Le personnel diplomatique n'était pas brillant sous l'Empire, oh non. Ces messieurs en ont fait des boulettes, oh oui, mais enfin ils savaient danser. Et mon brave évêque, voyant que je l'écoutais avec beaucoup d'intérêt, poursuivit sa brillante improvisation. La danse, monsieur, n'est pas seulement un plaisir, un amusement, non, c'est un grand intérêt social. Tenez, la question du mariage tient étroitement à la question de la danse. Pour le moment, en France, le mariage languit. Cela est prouvé par la statistique. Eh bien, je suis convaincu que si l'on se marie moins, c'est parce que l'on danse moins. Considérez ceci d'abord, que savoir bien, très bien danser, c'est pour un jeune homme agréable, mais sans fortune, une véritable situation dans le monde. Un de mes élèves, monsieur, a fait dernièrement un mariage admirable. C'était un garçon très ordinaire qui avait essayé de tout et n'avait réussi à rien. Mais c'était un valseur de premier ordre et il a enlevé 2 millions à la force du poignet. 2 millions ? Oui, 2 millions. Et 2 millions liquides. Une orpheline, ni père ni mère, tout ce qu'on peut rêver. Il vous a empoigné cette jeune personne, elle était très grasse. Eh bien, elle se sentait comme une plume entre ses mains. Elle ne pensait plus qu'à une chose, valser avec lui. Elle était comme folle. Il lui faisait connaître des sensations nouvelles. Et qu'est-ce que désirent les femmes avant tout ? Connaître des sensations nouvelles. Enfin, elle a refusé des marquis, des comtes, des millionnaires. Elle ne voulait que lui. Elle l'a eu, et il était sans le sou, et il s'appelait Durand. Ah, ne répétez pas son nom, je n'aurais pas dû vous le dire. N'ayez pas peur. Après ça, vous pouvez le répéter, ça ne fait rien, c'est un nom si commun. Il y a un intérêt de l'État dans les mariages d'inclination qui font épouser une jeune fille riche par un jeune homme pauvre ou un jeune homme riche par une jeune fille pauvre. Ça remue l'argent, ça l'empêche de rester à la même place, ça fait circuler les capitaux. Eh bien, les 3/4 des mariages d'inclination se faisaient autrefois par la danse. Maintenant, on a de courtes entrevues dans les salons, dans les musées, à l'opéra comique. On cause, c'est très bien, mais causer, ça ne suffit pas. C'est quelque chose, l'esprit, ça n'est pas tout. Un tour de valse fournit bien des renseignements que la conversation ne donne pas. Les couturières aujourd'hui sont rouées comme des potences. Elles savent faire ressortir ceci et faire rentrer cela. Elles redressent des tailles incorrectes, elles donnent aux maigres de l'ampleur et de la rotondité, elles vous fabriquent des hanches, des épaules, de tout enfin. On ne sait plus à quoi s'en tenir. La science a fait de tels progrès. L'œil peut être trompé, mais la main d'un danseur exercé, jamais. Un valseur qui a du tact sait se rendre très exactement compte de la réalité des choses. Oh oh ! Tout en restant parfaitement convenable, monsieur, et parfaitement réservé. Mon Dieu, tenez, moi par exemple. C'est à la valse que j'ai dû mon bonheur. Madame Morin n'était pas encore Madame Morin. Je tournais autour d'elle, mais j'hésitais. Elle me paraissait maigre et, je vous l'avoue, épouser une maigre, ça n'entrait pas dans mes idées. Vous savez, chacun se fait son petit programme. J'hésitais donc quand voilà qu'un soir, à la noce d'un de mes amis, un garçon très capable, qui est sous-chef de bureau au ministère des Cultes, on organisa un petit bal. J'invite pour la première valse celle qui devait être la compagne de ma vie. Je me sens tout de suite dans la main une taille délicieuse, une de ces tailles à la fois pleines et fondantes, et tout en valsant, transporté, je me disais « C'est une fausse maigre, c'est une fausse maigre !» Je l'ai reconduite à sa place après la valse, et je suis allé tout de suite demander sa main à sa mère qui me l'a accordée. Depuis 14 ans, je suis le plus heureux des hommes, et je n'aurais peut-être pas fait ce mariage-là, si je n'avais pas su valser. Voyez-vous bien, monsieur, les conséquences d'un tour de valse ? Parfaitement. Ce n'est pas tout, monsieur. Grâce à la danse, on ne se rend pas seulement compte des agréments d'une personne, des richesses de son buste, du moelleux de sa taille, on peut encore, par un tour de valse rondement mené, faire passer à une femme une sorte de petit examen sur sa santé, sur sa constitution. Je me rappelle un soir, il y a bien une douzaine d'années, c'était rue Le Pelletier, dans le vieil opéra qui a brûlé. Je me trouvais sur le théâtre, attendant le moment de mon entrée, pour le pas des frotteurs dans Guillaume Tell. Vous savez, au troisième acte. Deux abonnés causaient tout près de moi dans les coulisses. L'un de ces messieurs était un de mes anciens élèves. J'ai eu tant d'élèves. Sans le vouloir, j'entendais des bribes de la conversation et ces deux phrases frappèrent mon oreille. « Eh bien, te décides-tu ? » ?»« Mon Dieu, » répondait mon élève, « je la trouve bien gentille, mais on dit qu'elle est faible de la poitrine. » Alors moi, monsieur, j'ai fait une chose en dehors de mon caractère. J'ai demandé pardon d'avoir entendu, malgré moi, et j'ai dit à mon ancien élève « Je crois deviner qu'il s'agit d'un mariage. Voulez-vous m'autoriser à vous donner un conseil tiré de l'exercice de ma profession ? Permettons la valse à cette jeune personne. Vous savez, il y a des mères qui ne permettent pas. Je sais, je sais. » Mon élève me répondit « On la lui permet. » « Eh bien alors, monsieur, lui dis-je, voilà ce qu'il faut faire. Je vous connais, je sais ce que vous valez, vous avez du jarret, de l'avant-bras, de l'épaule et de la respiration. Faites-moi faire à cette jeune personne 5 minutes de valse sans lui donner le temps de faire ouf. Si elle vous dit « Assez, monsieur, assez », vous répondrez avec une espèce d'égarement « Oh non, mademoiselle, encore, encore ». Vous aurez l'air d'être dans le ravissement de valser avec elle. Elle croira que vous êtes pris d'une folie de danser comme dans Gisèle. Ça la flattera, même si ça la suffoque. Et au bout de 5 bonnes minutes de ce train-là, arrêtez-vous net sur place. Et vous penchant un peu sur son épaule, en extase, la valse autorise ces positions-là. Écoutez sa respiration dans le dos. Si ça fait le bruit d'un soufflet, n'épousez pas. Mais si vous n'entendez rien, épousez, épousez. Nous en étions là de cette intéressante conversation quand le ballet vint à finir. Nous fûmes, mon évêque et moi, assaillis par un véritable tourbillon de patineuses, et ma petite westphalienne me retrouvant là où elle m'avait laissé. « Ah ça, me dit-elle, vous venez donc vous confesser à l'opéra. Donnez-lui l'absolution, Morin, et rendez-le-moi. Allons, venez un peu au foyer. » Elle me prit le bras, et nous nous en allâmes de compagnie, pendant que cet excellent Morin soutenait, grave et digne, sous ses ornements sacerdotaux, le choc de cette avalanche de danseuses. Ainsi s'achève Le Maître de danse par Ludovic Halévy.